Lettre 48e, suite de la lettre d'Evelina. Depuis 3 jours, monsieur, nous menons un genre de vie tranquille et retiré. Le Vauxhall a dégoûté Madame Duval des endroits publics, mais comme il lui est impossible de rester longtemps chez elle, elle a résolu ce matin de dissiper ses ennuis par quelques parties de plaisir. Nous sommes sortis pour aller prendre les Branton, et de là, nous devions nous rendre au jardin de Marybone. Une grosse ondée nous a surpris en chemin, et le temps semblait se mettre à la pluie pour toute la soirée. Rendu à Snow Hill, j'ai retrouvé dans la boutique M. McCartney assis, un livre à la main, dans le même coin où je l'avais vu dernièrement. Il me paraissait plus triste et plus abattu que jamais. Cependant, j'ai cru remarquer que sa physionomie s'éclaircissait un peu à notre arrivée. Je lui ai fait involontairement la première révérence. Il s'est levé et m'a salué avec une précipitation qui marquait sa surprise et son trouble. Quelques minutes après, la famille est venue nous joindre. M. Smith s'était engagé en ville. On délibérait si nous sortirions malgré le mauvais temps. M. Branton nous a conseillé de patienter encore et de monter en attendant dans sa chambre. Son invitation a été acceptée et je me préparais à le suivre quand je vis que M. McCartney, qui avait fermé son livre, me fixait avec une attention particulière. Je m'aperçus qu'il désirait me parler et pour lui en faciliter le moyen, je revins sur mes pas après que tout le monde se fut retiré de la boutique. J'espérais que cette démarche l'encouragerait à s'expliquer, mais elle ne fit qu'augmenter son embarras. Il se promenait à grands pas en soupirant. Enfin, il se jeta dans un fauteuil. J'étais trop affecté pour être témoin de son angoisse, et j'allais le quitter pour lui laisser le temps de se remettre. Il me rappela. « Madame, au nom du ciel !» me dit-il. Il s'interrompit et je fis de mon mieux pour lui cacher le trouble dont j'étais moi-même agité. Je me flattais qu'il en viendrait à une ouverture. J'étais sur le point de lui offrir ma bourse si je n'avais craint de l'offenser. Comme il continuait de garder le silence, je pris sur moi de lui demander s'il souhaitait de me parler. Oui, je le souhaitais, mais je n'en ai plus la force. Une autre fois, peut-être, quand vous serez plus calme. Une autre fois, reprit-il d'un ton lamentable. Hélas, l'avenir ne m'offre que misère et désespoir. Oh, monsieur, ne vous abandonnez pas à des idées aussi accablantes. Si vous désespérez ainsi de vous-même, comment pourrais-je... Ah, madame, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Par quel hasard semblez-vous être devenu l'arbitre du sort d'un malheureux comme moi? Veuille le ciel que je puisse vous être utile. Vous le pouvez. Dites-moi comment. Eh bien, madame, vous le saurez. La mort était l'unique ressource qui me restait. Vous me l'avez enlevée, et j'ai acquis le droit de réclamer vos secours. Achevez, monsieur. On va descendre. Et vous n'avez plus de temps à perdre. Oui, madame. Pourriez-vous donc? Voudriez-vous? Mais je n'en doute pas. Oh Dieu, je n'ai pas le courage de le lui dire. Je pris ma bourse en main et je m'approchai de lui. Monsieur, si en effet je puis vous servir, pourquoi me refuserez-vous cette satisfaction? Permettriez-vous? Ah, madame, votre voix est celle de la pitié. Depuis longtemps, Dieu le sait, je ne la connais plus. Dans le même moment, j'entendis le jeune Branton qui m'appelait. Je saisis ce prétexte pour me retirer. Que le ciel soit votre protecteur et votre consolateur. Ce furent mes dernières paroles. Je laissai tomber la bourse et je gagnai au plus vite l'escalier. Je vous connais trop, mon cher monsieur, pour craindre que vous désapprouviez cette bonne action. Je suis bien aise cependant de vous dire que je puis me passer de nouvelles remises, puisque j'ai peu de dépenses à faire et que d'ailleurs je compte retourner bientôt à Howard Grove. Je dis bientôt. Et je ne pense pas qu'à peine 15 jours soient expirés du long mois pendant lequel je suis condamné à languir ici. Les Branton ont beaucoup plaisanté du tête-à-tête que j'avais eu avec le sot écossais, c'est ainsi qu'on le nomme. Mais j'étais trop ému pour faire attention à leur sarcasme. La partie de Marybone a été heureusement renvoyée à un autre jour, et nous sommes rentrés chez nous de fort bonne heure. J'ai laissé Madame Duval avec son fidèle compagnon, M. Dubois, et je me suis retiré dans ma chambre pour m'entretenir avec vous, le meilleur de mes amis. Voilà, monsieur, une journée que je finis avec un cœur bien content. J'ai contribué à soulager, autant qu'il dépendait de moi, un infortuné. Que le ciel en soit béni. J'espère qu'avec ce petit secours, le pauvre monsieur McCartney pourra quitter ce qu'il doit à ses hôtes. C'est ainsi que s'achève le tome premier de Evelina, ou l'entrée d'une jeune personne dans le monde, de Miss Fanny Burnet.